飞翔，这妈的剧本我忘。De mesure là. Stuffing my soul.

vraiment un accord. Thank you. crois qu'on l'a. Oh, il est pas bon. Ça, ça passe. Tu connais ça, Edo? Les accords, c'est... Attends. Putain, pourquoi j'arrive pas à copier ça? Alors, attends, les accords, c'est... Fa, Do, Sol, La. Attends, arrête. Fa, Do, Sol, La. Alors, ça fait comme ça... We were silenced by the night. Just you and I, we gonna rise again. Did it from the light. Stop it. J'écoute l'original. Attends, je vais changer la tonalité. In a city like mine, there's no silence by the night. Ouais, d'accord. Je l'aime bien cela, mais bon. In a city. Enfin, moi je peux la jouer comme ça. Non, non. Keen. Silence by the night. Attends, je vais. Déjà, faut que je prenne à la mesure 1. Et 1. Essayez de voter 16, tu mets dans 16. Ah, il va au bain, lui. Si tu veux faire que le couplet, hein, c'est que le couplet, juste le couplet. Bon, attends, essayez de le faire en 8 si vous voulez ou en 16. Enfin, sinon, ça fait repartir à chaque fois. Hein. Comme tu veux, moi je l'achète la chanter. Seulement après, il y a combien de mesures? Attends, ça, si ça peut se faire, ça. Attends, si on part un. Celle que tu veux. Ok, next. Next. Elle est accordée, c'est une vieille strato. C'est une vieille strato, mais elle sonne faux. Ça doit être derrière, non, c'est ça? Ah non, là. Vieille années 80 quoi. Attends, comment qu'on arrive à savoir là? On m'avait expliqué sur les numéros là. On m'avait dit, mais je me rappelle plus comment on fait. Il y a un numéro sur le truc Mexique là. Le numéro de série, et normalement on arrive à savoir l'année, c'est ça? C'est la même couleur que. Que Marc de Dire Straits. Sauf que le guitariste est beaucoup plus pourri. Excuse-moi. Physiquement, ils reconnaîtront pas, de toute façon. Chose, tu vois, sur les mêmes accords. En dos. Thank you. c'est moi qui suis trompé. C'est vachement aigu pour moi. D'accord ? Tu vois. Si je prends l'octave, ouais, mais ça fait trop grave. Là. I walk across an empty land. I knew the power lies in the back of my hand. I feel the earth beneath my feet. Sound by the river. Mais non, mais c'est trop pas. On l'avait pas fait comme ça la dernière fois. Bon, je te donne la tonalité. I walk across a simple fear. Where are you going? Après, j'ai écouté l'original. Attends, je vais essayer d'aller écouter l'original. Tu vois, moi c'est trop aigu pour moi là. Alors attends. Moi si t'arrives à me trouver la tonalité d'origine, c'est bon. J'arrive à peu près à la suivre. L'origine. Hein. Attends, j'en reviens. Je vais aller voir. Oh, putain. J'ai perdu les paroles. Sans là, mais ça c'est pas mal ça. Oui, oui, oui, oui, c'est bon. Thank you. repars à 1 avec toi. I walk across an empty land. I knew the power lies at the back of my hand. I feel it here beneath my feet. Saw by the river and it made me complain. And simply feel, where have you gone? À 1 et ça doit être bon. Je pense que c'est bon. Hein. Parce que après, j'avais réécouté une fois sur le lecteur et on était tout décalé. C'était pas ta faute ni la mienne. Et je pense que normalement, ça doit être... On réécoutera plus tard. Allez, je suis prêt. Et t'as pas un son de piano un tout petit peu plus. T'avais un son plus. Riche ? Riche. C'est pas grave, je fais avec celui-là. I walk across. I walk across an empty land. I knew the power lies at the back of my hand. And it feels a hill beneath my feet. Sound by the river and it made me complete. A single fear, where have you gone? Where are you? If you ship it,